C'est l'an 2006. L'homme venu d'ailleurs est appelé à disparaître. Les frontières ont laissé cours aux pires putreries. Destruction, désillusion. Le décor est mutilé. Alerté par ce manque de vie, la planète ouest non loin d'ici, cherche à s'introduire dans l'espace hertzien. Il s'agit d'un ovni, piloté par Ostax, commandant-chef, accompagné de la troublante Tessie et du maître LB to the end. Dans l'espoir de comprendre les dérives de cette planète, les Westés vont aussi défendre des causes justes. Les causes, oui, mais l'homme, qu'en est-il? Pourra-t-il supporter un regard, une culture extérieure? Saura-t-il se comporter? Car la différence gêne. Ils arrivent, trois seulement. On parlait d'invasion, cette fois c'est une intrusion. Les aliens dans leur centre. Écoute.